Les quatre suivantes sont comme des messages intimes, ou pas? J'aurai toujours envie de toi. Une de celles que j'ai composées au moment de Talon tueuse en série. Je voulais dissocier cet amant virtuel et lui, mon musicien chéri. Oui, parfois il m'arrive de faire le point, de me dire, mais où je me perds? Dans quoi je vais me lancer de cette manière? Alors je m'endors en serrant mes carnets noirs. J'écoute Consonne ou notre version de Black Axe. Je pense aux inventaires que j'ai déjà faits de lui, son visage, son corps. Et là, justement, je parle de ses doigts, de sa bouche, de ses yeux. J'aurai toujours envie de toi et de la trace de tes doigts sur ma joue. Dans mon cou, il y aurait eu tellement de craintes que tu ne laisses que tes empreintes dans le creux de mon dos, sur ma peau. Une petite ritournelle pour couper un peu l'effet que ces mots me font. Une fois, deux fois, le temps de faire redescendre la pression, la tension qui naît au creux de mon ventre. J'aurais toujours envie de toi, de ta bouche qui sourit parfois pour des riens, mine de rien. Il y aurait eu tellement de fièvre dans les morsures de nos lèvres que j'en aurais gardé le goût jusqu'au bout. Jusqu'au bout de les nuits. Jusqu'au bout de la vie, de la vie. Et quand je pense à ses lèvres, surtout l'inférieur qu'il mordit quand il est troublé, je décolle. Quand je pense à cette petite fossette qui se dessine sur sa joue droite, de la vie, près de son menton, je fonds. Quand je pense au bec de son sax qui l'embouche et pince, et que je me dis, non, tu ne le verras plus en live, en tortille les notes, les gammes et les tournures funky. Je suis si triste. J'aurais toujours envie de toi, de tes yeux dans lesquels je noie mes envies, mes folies. Y aurais-tu tant de soupirs intimement mêlés aux désirs? Je sais que malgré ses ignorances, le seul qui me rend heureuse avec juste un regard, avec juste une réponse de quatre mots à mes mails kilométriques, c'est lui. Mes trêves de fantasmes ou de nostalgie, lui, il suffirait qu'il me donne l'autorisation de l'aimer et je serais au paradis. La mélodie s'envole de plus en plus haut, de plus en plus loin. Je voudrais juste qu'il m'accorde la permission de le chérir, de le gâter. Et tout me revient. Mes hésitations, mes regrets, mais j'aurais pas dû me laisser aller à me déclarer de cette manière, ou plutôt, j'aurais dû le détromper quand il m'a dit « Si on avait le même âge, je penserais que t'es amoureuse. » Il ne se souvient certainement pas de ma réponse, contrairement à moi. Mais sa réflexion, c'était « En tout cas, tu me fais rire. » Et maintenant? Maintenant que je vais avoir la bouche en face de son sexe et lui pareil en face du mien, je me demande s'il rit toujours. Je me demande s'il aimera l'odeur du gel douche mélangée à celle de mes sécrétions, s'il sera sensible au petit frissonnement du bas de mon ventre, s'il sera attendri par ce qui coule entre mes cuisses, simplement parce qu'il s'imagine que je pourrais à nouveau m'occuper de son membre avec mes lèvres. Il prend les devants. Alors, je te promets que si tu me suces, ça va te remettre la tête à l'endroit. Ou pas, en fait. Je voudrais le regarder, plonger mes yeux dans les siens de cette couleur écume que je chéris depuis tant d'années. Je voudrais le regarder en entier. Sa poitrine, son ventre et ses fesses aussi, même si je sais bien qu'il est impossible de voir en même temps l'avant et l'arrière. J'ai envie de lui. Tu penses au 22 avril ? Tu me rappelles de quoi il s'agit ? T'as prévu un truc pour nous ? Il ne se souvient pas de ces jeux, de ce mail qu'il m'avait envoyé. Et moi, je n'ai en tête que ça. Le 22 avril. Le jour Sex and Pipe. Le pendant masculin de la Saint-Valentin. Ça tilte, là ? Je pourrais lui dire que oui, j'ai prévu un truc pour nous, du style un concert, une expo, juste nous deux, pas avec ses potes, pas avec sa petite jeunette ni mon mari, non, juste nous deux. Tiens, au fait, elle a disparu sa jeunette. Elle était là pourtant au concert et puis elle nous a vu nous parler, lui et moi, et s'est évaporée. Visiblement, ni lui ni elle n'a essayé d'entrer en contact. Serais-je sa seule préoccupation ce soir, cette nuit ? À quoi tu penses ? Il a ouvert les yeux et a remarqué mon air songeur. Je pense que cette fois, j'ai la priorité sur toutes les autres. Et cela me donne un coup au cœur. Ça booste la libido quand l'objet de vos fantasmes vous fait vous sentir unique, essentiel. Cela me rend heureuse. D'un geste de la main imaginaire, je balaye mes réflexions. Je peux ? Il me regarde étonné, interrogateur. Tu me dis ou je me fais un film ? Ne me regarde pas. Ah ? J'ai encore faim de toi. Ses paupières sont closes à présent, il est attendrissant, son visage est serein. Il respire profondément, ses lèvres sont serrées. À force de le regarder, ça prend du temps au final parce que je le trouve si beau, il rouvre les yeux. Tu fais l'inventaire ? Je n'ose pas lui dire combien il me plaît. Il le sait, de toute manière. En guise de réponse, je saisis la couette sous laquelle il est couché. Il ne fait aucun geste pour m'empêcher de le découvrir, d'ôter ce qu'il couvre et puis de le regarder, nu, le sexe en semi-érection. Tu ne m'as pas attendu. Il a les yeux pétillants, j'ai envie de le goûter encore, j'ai envie de le dévorer. Et mes yeux brillent, eux aussi, de gourmandise. Adieu la douceur, adieu la mesure, ce self-control qui était le sien depuis toujours est en train de se barrer. Cette façon de toujours retenir ses mots, ses envies, a fait place à de la fougue. J'en suis tellement étonnée que je ne sais pas trop comment réagir. J'ai des idées encore pour lui donner du plaisir, mais c'est moi qui, à présent, suis moins franche. Je voudrais l'emboucher, je voudrais loger ma langue entre ses fesses. Alors, lentement, mais de manière très décidée, je me couche à côté de lui, la tête près de son ventre. Et les genoux à la hauteur de sa jolie frimousse. Je prends son sexe délicieux dans ma bouche. T'en as jamais assez, on dirait. Je ne dis rien. C'est flatteur pour moi, ça. Et c'est vrai. Je n'imagine pas être comme ça avec quelqu'un d'autre que lui. Donc, son membre entre mes lèvres, ma main qui englobe ses bourses, un de mes doigts, qui titille son petit trou, et surtout, surtout, cette position que j'aime tellement. Coup de langue, baiser, tendre morsure, bruit mouillé, sécrétion mélangée, et plaisir conjoint. Je suis bien, mon audacieux, si bien.